Les plaisirs de la campagne. Arrivé à Paris, Julien se présente chez l'abbé Pirard. Cet abbé lui expliqua d'un ton froid le genre de vie qu'il attendait chez M. de la Mole. « Si au bout de quelques mois vous n'êtes pas utile, vous rentrerez au séminaire, mais par la bonne porte. Vous allez loger chez le marquis, l'un des plus grands seigneurs de France. Vous porterez l'habit noir. » J'exige que, 3 fois la semaine, vous suiviez vos études en théologie dans un séminaire où je vous ferai présenter. Chaque jour, à midi, vous établirez dans la bibliothèque du marquis qui compte vous employer à faire des lettres pour des procès et d'autres affaires. Le marquis écrit en 2 mots, en marge de chaque lettre qu'il reçoit, le genre de réponse qu'il faut y faire. J'ai prétendu qu'au bout de 3 mois, vous seriez en état de faire ces réponses. » Le soir, à 8 heures, vous mettrez son bureau en ordre et à 10, vous serez libre. Il se peut, continua l'abbé Pirard, que quelque vieille dame ou quelque homme au ton doux vous fasse entrevoir des avantages immenses ou tout grossièrement vous offre de l'or pour lui montrer les lettres reçues par le marquis. « Ah, monsieur !» s'écria Julien, rougissant. « Il est singulier, » dit l'abbé avec un sourire amer, que, pauvre comme vous l'êtes, et après 1 année de séminaire, il vous reste encore de ces indignations vertueuses. Il faut que vous ayez été bien aveugle. » Mais vous sentez bien, reprit l'abbé d'un ton aigre, qu'il ne vous donne pas tout cet argent pour vos beaux yeux. Il s'agit d'être utile. À votre place, moi, je parlerai très peu, et surtout, je ne parlerai jamais de ce que j'ignore. Ah, dit l'abbé. « J'ai pris des informations pour vous. J'oubliais la famille de M. de la Mole. Il y a 2 enfants, une fille et un fils de 19 ans. Élégant par excellence, espèce de fou qui ne sait jamais à midi ce qu'il fera à 2 heures. Il a de l'esprit, de la bravoure, il a fait la guerre d'Espagne. À votre place, je ne me laisserai jamais plaisanter par ce beau jeune homme. Et avant de céder à ses avances parfaitement polies, mais un peu gâtées par l'ironie, je me le ferai répéter plus d'une fois. « Il me semble, dit Julien en rougissant beaucoup, que je ne devrais pas même répondre à un homme qui me méprise. Vous n'avez pas d'idée de ce mépris-là. Il ne se montrera que par des compliments exagérés. Si vous étiez un sot, vous pourriez vous y laisser prendre. Si vous vouliez faire fortune, vous devriez vous y laisser prendre. « Monsieur, dit Julien, il me semble que je ne serai pas longtemps à Paris. À la bonne heure. Mais remarquez qu'il n'y a de fortune pour un homme de notre robe que par les grands seigneurs. Si vous ne faites pas fortune, vous serez persécuté. Il n'y a pas de moyen terme pour vous. Ne vous abusez pas. Les hommes voient qu'ils ne vous font pas plaisir en vous adressant la parole. Dans un pays social comme celui-ci, vous êtes voué au malheur si vous n'arrivez pas au respect. Je vous ai parlé aussi longtemps que pour mettre un peu de plomb dans cette tête. Encore un mot, j'ai le malheur d'être irascible. Il est possible que vous et moi nous cessions de nous parler. Si nous continuons à trouver du plaisir à nous voir et que la maison du marquis ne vous convienne pas, je vous offre la place de mon vicaire, et je partagerai par moitié avec vous ce que rend cette cure. Je vous dois cela et plus encore, ajouta-t-il en interrompant les remerciements de Julien, pour l'offre singulière que vous m'avez faite à Besançon. Si, au lieu de 520 francs, je n'avais rien eu, vous m'eussiez sauvé. L'abbé avait perdu son ton de voix cruelle. À sa grande honte, Julien se sentit les larmes aux yeux. Il ne put s'empêcher de lui dire, de l'air le plus mal qu'il put affecter, « J'ai été haï de mon père depuis le berceau. C'était un de mes grands malheurs, mais je ne me plaindrai plus du hasard. J'ai retrouvé un père en vous, monsieur. »« C'est bon, dit l'abbé, embarrassé. »